nothing to be forgiven. Deep down I feel just fine. It's their loss, not mine. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, lundi 1er décembre, oui, bienvenue à l'émission Le Terminus, je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble pour la prochaine heure pour donc l'émission Le Terminus qui se consacre au rock indépendant. Et avant de continuer, je voudrais saluer mon collègue Didier qui anime juste avant moi pour sa belle improvisation sur le thème du CD qui plante, hein. Donc c'est pas toujours facile, on est en direct, problème technique parfois qui se présente, il faut improviser. Et on est en direct et je peux quand même vous présenter ce qui va jouer ce soir. En fait, on va entendre entre autres du Homme, du Trail of Death, du Small Teeth également, du Bernary en fin d'émission. La liste complète sera disponible à la fin donc sur le CISM 893.ca. Vous allez également pouvoir la réécouter l'émission à la fin. On débute avec un groupe de Brooklyn, il s'appelle No Kill. Ils ont une chanson qui se retrouve sur la compilation de l'étiquette britannique Virgin Records. Compilation dont le nom donne un peu une indication sur la tangente de la compilation. Elle s'appelle Fuzz Pop, donc des chansons Fuzz Pop. Il y a là-dessus donc 20 groupes vraiment à découvrir sur le verygunrecords.bandcamp.com. On écoute une formation donc de Brooklyn, No Kill, la chanson Big Muff Scream sur le Terminus. Wow. Unacceptable de Wild, un duo Belgrade, plutôt de Belgrade en Serbie, qui sortait un premier album complet il y a quelques jours, album qui s'appelle More, et le groupe dit être influencé par Mission of Burma et My Bloody Valentine, donc deux influences un peu différentes, mais qui se retrouvent dans leur musique. Et fait, si vous cherchez en fait à écouter ce groupe-là, Wild, ça s'écrit comme le groupe Always, le groupe de Toronto, avec deux V. Donc le groupe Always disait récemment qu'on peut le prononcer comme on veut leur groupe, mais c'est drôle si on prononce les deux V tout seul. Donc il faut le prononcer comme un W. Voilà la réponse à la question. Juste avant, c'était une chanson qui sortait il y a exactement 10 ans, Sabado du groupe argentin El Mato a un Policía Motorizado. Et le groupe, lui, vient de sortir un troisième album au mois de juillet dernier. Et je regardais leur page Facebook. Si vous êtes intéressé, ils font un spectacle très bientôt, le 17 décembre, à Buenos Aires. Donc, c'est pas tellement loin d'ici. Et ben, sinon, on continue avec une chanson qui se retrouvait sur un des trois albums que Navet Confit sortait l'année dernière. Il était même venu à l'émission pour en parler. Le LP4, La vérité sur Noël de Navet Confit. On écoute la chanson qui ferme donc l'album Les insectes et moi se ressemblent. Tout ça sur CISM, le 89.3. qu'on fait ici. On meurt dans le et nous serons des rois. Et toi, tu seras toi. She missed the train to Mars. She's out back counting stars. She thinks she missed the train to Mars. She's out back counting stars. We'll be right back. vous aurez reconnu, c'était Les Vulgaires Machins avec Antidépresseurs, une chanson qui remonte à 1998, oui, leur album 2440. Et avant ça, on avait débuté donc avec une autre chanson des années 90, c'est plutôt en 1995, l'album You'd Prefer an Astronaut de la formation américaine Homme. Et peut-être leur plus gros succès en carrière, la chanson Stars. Et le groupe qui a été fondé en 1989 est toujours actif aujourd'hui. Il n'y a pas d'indices qui sont... Enfin, ils donnent encore des spectacles de temps en temps, mais ils n'ont pas sorti de nouvelle musique depuis 1998. Ça fait quand même un petit bout de temps, ça. On va maintenant écouter un trio féminin indie rock de Philadelphie. Elle s'appelle Cayetana. Leur album Nervous Like Me, c'est l'album sur lequel se trouve la chanson Mountain Kids, donc de Cayetana. Et jusqu'à 20h, je vous rappelle, vous écoutez l'émission Le Terminus, le meilleur de l'indie rock sur les ondes de CISM. Say ça coupe sec, désolé. Donc, de leur album Madonna qui remonte à 1998, même année que l'album de Vulga Machin qu'on entendait tout à l'heure. Donc, décidément, une belle année que cette année de 1998. C'était Mistakes and Regrets des vétérans de I Will Know and You Will Know Us by the Trail of Dead, ou plus simplement Trail of Death. Et le groupe a fait paraître cet automne un 9e album qui figure pour l'instant sur ma pile, là, dans ma pile de disques à écouter. Donc je ne sais pas si vous l'avez écouté, en tout cas vous êtes averti qu'il y a un nouvel album qui vient de paraître. Juste avant, vous avez aussi entendu la musique de All Dogs, la chanson C. On avait débuté le segment avec un autre groupe féminin, Cayetana Mountain Kids. On poursuit maintenant avec un groupe local, il s'appelle Small Teeth. Ils font de leur propre aveu, selon leur description, du proto-noise gaze mêlé à du distorto garage psych. C'est ça leur étiquette. Donc, ils viennent de faire sortir en juin dernier une cassette qui porte leur nom, Small Teeth. On écoute la chanson Murder House de Small Teeth sur le Terminus. We'll be right back. C'était Donovan Wolfington, un groupe de Nouvelle-Orléans avec Spencer Green, un hymne emo, fâché. On l'a vu à la fin, là, il frappait fort sur sa batterie, il était fâché, monsieur Donovan Wolfington. Juste avant, c'était Goners avec Teenage Depression, une chanson qui se retrouve sur la compilation Blooming de l'étiquette texan Fleeting Youth Records qui vient de paraître. Reste à l'écoute dans quelques instants, Roman Louin sera là avec son émission Nous sommes les rockeurs. Je vous invite à consulter la liste des chansons qui est passée dans la dernière heure en allant sur le CISM893.ca. Il y a aussi les archives de l'émission leterminus.ca. Et je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais on amorce le mois de décembre. Il reste seulement 5 émissions après l'émission de ce soir, avant la fin de la saison. Ce sera également la fin probablement du projet Le Terminus pour cette saison-ci, peut-être pour les prochaines saisons également. On s'en reparlera en tout cas d'ici la fin. On va se quitter avec deux chansons. Bernary, chanson Sagar. J'ai jamais fait passer de Bernary encore à l'émission. Ça sera fait. Et on se quittera ensuite avec le nouveau projet du leader de Cast of Cheers, Connor Adams, son projet Charmers, une première chanson qui va nous parvenir, chanson All the World, donc de la formation Charmers. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle la semaine prochaine, 19h, pour Le Terminus. Ciao!